Empereur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Oh, Malouda! Je suis content de l'entendre parce que je l'ai loupé, je suis arrivé en retard au match PSG Lille. J'ai loupé moi, le but de Bragnac. Florent Malouda. Bon, Non, mais je te jure, mais même avec un le an temps, après, il est toujours. Mais avec le temps, tu as du mal à te dire que ce but n'a aucun intérêt. C'est pas possible. C'est le but de la finale, c'est sûr. Donc, vous avez commencé par parler du sprint final, parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est le sprint final. Et alors, c'est un sprint final qui part d'un 5000 mètres. Vous en aviez parlé un petit peu avec Roland, Daniel, sur ça. Je voudrais reprendre. T'étais bon en maths, toi, Daniel, à l'école? Pas du tout. Daniel dit qu'il était pas bon. Du coup, ça m'étonnerait parce que t'as fait quand même une analyse mathématique assez fine. C'est absolument catastrophique. Est-ce qu'on peut écouter l'analyse de Daniel Riolo, s'il vous plaît? Alors, de ton 5000 mètres, toi, tu le démarres à 5 mètres de l'arrivée, toi. Daniel, il y a plein de proportions, ça fait ça. En proportion, ça fait ça, hein. Sur 5000 mètres, 36 matchs. Le championnat 37. Est à plusieurs étages, on a parlé. Merci. Donc, en fait, si je calcule, 2 matchs sur 38, ça fait 1/19e. 5 mètres sur 5000, ça fait 1/1000. Donc en fait, c'est exactement la même chose pour Daniel. 1/1000 et 1/19e. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, Daniel. Ça veut dire quoi, alors? Ça veut dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être augmenté l'année prochaine. Tu vas perdre 1/19e de ton salaire, mais tu vas gagner 2/1000 en plus. Donc à mon avis, tu vas être content puisque c'est pareil. Donc en fait, t'as été. Rien du tout. Ah ben voilà. Non, mais c'est ça représente sur un 5000 mètres, les 5 mètres sur 5000, 5 sur 5000, ça fait 1/1000. 2 sur 38, ça fait 1/19e. Si pour toi 1/19e et 1/1000 c'est pareil, je te jure que c'est pas un problème pour Alain Veil et Pesanti. Hein. Mais non, mais c'est pas ça que je te jure que pour eux ça sera pas un problème de négociation. Bon, c'est pas grave. Non, mais si proportionnellement tu répètes deux fois que c'est pareil, moi je te crois, Daniel. Démarrer le sprint à la 37e journée. Ouais. Ça équivaut à le démarrer quand sur un 5000. Je te jure. Bah, c'est ça la question. Bah, que à peu près. Est-ce que t'es allé au bout de ton calcul? Bah, c'est-à-dire que tu divises 5000 par 38, ça, et tu sors. Et tu multiplies par deux, Vas-y, continue. Alors là, on vient de perdre Daniel Riolo. Pour tous les auditeurs qu'il aimait bien, c'est moche. Il faut faire quoi comme. Même quand on lui explique, il comprend pas. Ah, il faut faire quoi? Rassure-moi, t'as fait bac littéraire. Oui. Ah bon, ça va. 5000 divisé par quoi il faut faire? Par 38. Par 38, donc. Et tu multiplies par deux. Donc, pourquoi il multiplie par deux? C'est un 19e. Pour voir ce que ça fait la différence, c'est pas 1/1000. L'équivalent. Pour trouver l'équivalent. Donc là, donc moi, c'est quand ça va être que d'expliquer à Daniel. Mais de faire le matheux, là. Tu peux pas me dire, ça équivaut à le démarrer à combien de mètres de la ligne sur un 5000? Tu peux pas faire ça plutôt que de m'embrouiller? Si, si. Je me suis perdu dans. Ah là, Daniel. Bon. Ouais. Voilà. Toi, t'étais nul en maths aussi. Ouais, bien sûr. Que je vois. Ah bah, je vois ça, oui. Alors, oui, je sais pas encore diviser 5000 par 38. Ça peut pas être comme si tu le démarres à 100 mètres de la ligne. Mais c'est. Si! Bien sûr, largement. Excuse-moi, Daniel, c'est terrible ce que je viens de t'apprendre. T'as les larmes aux yeux, j'ai l'impression que tu viens d'apprendre que tes parents étaient fans de la radio, là. C'est pareil, quoi. C'est aussi violent. Alors vraiment. Non. Ah, mais oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai, rien à voir. C'est vrai qu'il aime pas la Roma. Mais je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. Mais je sais pas où je suis allé chercher ce truc. Je pense que t'es à la rue, mais c'est comme, il y a un mec, tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, je croise Riolo, et il avait une écharpe du PSG. Je dis, Riolo? Une écharpe du PSG. Je crois que tu m'inventes des histoires. Mais c'est complètement démentiel. Alors Lyon va revenir quand même à des choses sérieuses. Oui, donc quand même le sprint final, c'est génial, hein, parce qu'on appelle ça le sprint final. Lyon et Paris, vu le nombre de points qu'ils gagnent, c'est quand même le sprint en marchant. Hein. On n'a jamais vu ça. C'est Gilbert qu'il faut que tu parles de ça. Non, mais c'est le sprint en marchant. Sauf Rennes qui décide de le faire en moonwalk. C'est encore plus dingue. C'est qu'eux, ils ont décidé de tenter un nouveau truc. Ils ont fait un putain de 5000. Ils sont à 5 mètres de l'arrivée. Et eux, ils se retournent et tintin, et hop, c'est parti. Donc forcément, voilà, quoi. Lyon, dont on parlait des supporters de Lyon, là, par rapport aux banderoles. Alors, il y avait deux styles il y avait les bad guns et ceux de 1950, que c'est pas les bad guns, c'est les bas de contention, je pense, parce que tous 60 ans de moyenne d'âge. C'est pas les tout frais, et encore c'est le nom, c'est le club. Hein. Donc ils ont fait des banderoles, et ils disaient que Lyon, la Ferrari s'est transformée en voiture à pédale. Alors je voudrais d'abord savoir de quel joueur il parlait, exactement, parce que je sais pas s'il parlait de joueur, il parlait de quoi, c'est quoi la voiture à pédale, par rapport à quoi il disait ça, on saura jamais. C'est un peu le mystère, et ça a été rapporté donc par le Progrès de Lyon, qui est un journal, hein, c'est pas l'état du club, hein, parce qu'on peut pas dire que ça soit vraiment le Progrès, c'est un journal, et ils veulent porter plainte pour insulte éventuellement, Jean-Michel Aulas, c'est ça, ou Claude Puel, ils veulent porter plainte pour insulte, et c'est vrai qu'il paraît qu'il s'est fait traiter d'entraîneur, ce qui est assez grave, et il dit qu'il a toutes les preuves vidéo pour prouver que c'est de la diffamation, hein. Donc moi je suis assez d'accord avec ça. Faut quand même pas dire n'importe quoi. Daniel, donc tu m'avais dit hors antenne que toi, pour les banderoles, tu pensais qu'il fallait retirer 3 points à Lyon. Je trouvais que c'était un peu scandaleux. Non, c'est pas ça que tu m'avais dit. Que les gens croient. Mais ça j'espère après, hein. qu'ils y croient parce que c'est la vérité, Daniel, et qu'il faut arrêter de se mentir. Non, Olas n'a pas du tout écouté les supporters. Parce que notamment il y a un supporter, tu vois, parce que le problème des présidents, c'est qu'ils n'écoutent pas les supporters, tu vois. Et moi je voudrais que les joueurs lyonnais et le président écoutent ce supporter lyonnais qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir sa phrase, supporter lyonnais? On l'a ou pas? On l'a pas, donc on ne l'écoutera pas. Voilà, donc avec Daniel, donc on se disait tout à l'heure qu'on était fervent supporter de l'AS Monaco. C'est extrêmement bien préparé, mais c'est fait avec des mains en carbone hein, quand même. Hein, donc c'est pas évident. Donc avec Daniel, on est fervent supporter de l'AS Monaco. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu fais ta rubrique, je suis pas concerné. Je disais qu'avec Daniel, j'ai pas dit Daniel Riolo. Mais je suis pas là moi. Avec Daniel Riolo. Gilbert, il fait quoi Gilbert? On est supporter de l'AS Monaco. Bon, alors les gens vont dire ça y est. Non, c'est parce que solidarité à Radio Monte Carlo. Excuse-moi Daniel, on est corporate. On est supporter de Monte Carlo. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, ça y est, tout de suite c'est mal pris. Saint-Étienne. Moi j'ai toujours aimé Saint-Étienne. Je viens de dire c'est pas du tout par flagornerie. Saint-Étienne, moi d'ailleurs, moi j'aurais voté pour Jeannot comme meilleur gardien, hein, il est pas là samedi, c'est un peu dommage d'ailleurs. Non mais moi en fait, si on va aller à la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. C'est pas tant pour la Ligue des Champions. C'est pas tant contre l'Europa League. On l'aime bien l'Europa League. Mais moi, je ne peux plus les supporters de Thierry Roland et Jean-Marc Ferreri. C'est tout ce que je veux plus, moi. Je m'en fous d'aller en Ligue des Champions. Mais Jean-Marc Ferreri, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens n'écoutent pas. C'est que les Lillois, ils se sont fait éliminer juste pour ça. C'est parce qu'ils ne le voulaient plus. C'est les commentaires de Jean-Marc Ferreri. C'est vrai que c'est pas Thierry Roland, surtout. Non, tu veux que je te... Alors écoute, est-ce qu'on peut écouter Jean-Marc Ferreri, s'il vous plaît? Scotché complètement le Gabonais. Eh ben, Loïc Rémy, il nage sur l'eau en ce moment. Voilà. Donc Loïc Rémy, il nage sur l'eau. T'as vu le mec? Extraordinaire. Autant il y a des mecs qui marchent, bon, c'est facile. Mais le mec, il nage sur l'eau. Respect à l'OM, ils ont des joueurs qu'adore. Hein. Voilà. Donc moi, si vous voulez ça encore un an, mais allez-y Lyon. En Europa League, goûtez ce que ça donne, les supporters. Vous allez voir ce que c'est d'avoir ça pendant des heures et des heures. Voilà, et puis alors, quand c'est pas la Coupe de la Ligue avec Guy Adam, bref. Avec qui? Stéphane ou Jean-Pierre Adam, je sais pas comment il s'appelle, ou Vert Adam, ou Brance Adam, j'en sais rien. Thierry. Excusez-moi, je craque Thierry Roland, Thierry Adam, là, champion. Je peux plus. Bon, chanson! Non, c'est pas possible, pas déjà. Vous avez parlé de Jérôme Rotten. Je suis obligé de parler de Jérôme Rotten. Allez, dans le cadre du Jérôme Roton. Jérôme Roton pour trouver un club à Jérôme Rotten. Et un club a répondu au Jérôme Roton. C'est le club du Sporting. Non, pas du Sporting, du Portugal, Daniel. Il faisait les vestiaires à Ankara Gucu, fin fond de la Turquie. Il est pas allé en Ligue des Champions. Non. C'est le Sporting Club de Bastia. Je tiens quand même à rappeler à Bastia que Jérôme Rotten ne court pas très vite. Il ne saute pas très haut. Il ne frappe pas très fort. Il sait juste jouer au football. Ça va peut-être être un peu juste pour le championnat. Donc voilà, je préfère les prévenir. C'est pas donné à tout le monde. Donc j'avais plein de choses à dire. Je suis désolé, hein, mais on ne pourra pas. Donc on va passer aux chansons. Alors d'abord, deux chansons d'auditeurs qui étaient assez merveilleuses. D'abord, une chanson sur Didier Deschamps de la part de Julien. On écoute ça tout de suite. Un autre, hein, pardon. Il est arrivé un beau matin du mois de mai. Gignac, bon d'amour, après Guérès, faut assurer. Ils m'ont demandé, ça m'a ça, où il est passé. Et quand fier de moi, j'ai dit transférer à VA. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis à rire en voyant plonger ma boîte. Le rire, le déchant. Le rire de Deschamps, c'est bientôt le printemps, va les voir pleurer en Ligue des Champions. Avec eux les dernières fois, on peut lui dire chapeau, la bonne gagner le championnat. Le rire de Deschamps, revient JPP entrer nos attaquants. Merci, bravo. Voilà, bravo Julien. Bravo, on applaudit ça. Ouais, alors. C'est bon. Et ensuite une chanson de Chris pour les Lensois, quoi, c'est un Lensois. Je suis venu te dire Gervais que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, on a été trop mauvais. Je suis venu te dire Gervais que je m'en vais. Magnifique. Bah, tout, elles seront en entier évidemment sur le blog Gilbert Brisebois. Il aurait pu dire Verlaine, Vedran. Ouais, ouais, mais c'est vrai que Vedran, ça aurait été. Il n'y avait pas de raison de déranger Verlaine pour ça. C'est vrai, le pauvre. Alors que Vedran, il l'a dit qu'il était mauvais. Ouais. Pardon. Alors j'en ai une donc sur un club dont on parle peu. C'est Sochaux quand même, Sochaux, un club magnifique. Mmh. On dit toujours qu'ils jouent bien, mais on regarde jamais leurs matchs puisqu'on les voit pas à la télé sur Canal. Donc voilà une chanson pour eux. Allez, musique. Hey, bonsoir, bienvenue au Stade Bonal. Une ambiance de dingue. C'est dommage que ça passe pas à la télé parce que alors qu'est-ce que c'est chouette. Allez, 3-4. Ce soir, on va encore être sur Foot Plus. On est un peu les Jean-Claude Duss des diffusions sur Canal+. Hey, ce soir, on va encore vous régaler. Un dribble sur Christophe Jallet, une, deux sur Fabien Gatté. Passe Marvin Martin, reprise de Maurice Bellet. C'est le show du Bersa, les audiences d'Arte. Tu mets 4 buts par match dans l'indifférence générale, mais on prend des branlées dès qu'on est loin du Stade Bonal. Sochaux, Sochaux, on se gèle les miquettes. Sochaux, Sochaux, au stade on ressort les couettes. Sochaux, Sochaux, moins 15, mais mets du chauffage. Sochaux, Sochaux, merde, c'est le goal à virage. Bonal. La la la la la la la. Oh là là, Marvin Martin. La la la la la la la la la. Il est brave. Oh, c'est but. Oh, magnifique. Il réduit le score. Dommage, c'est trop tard. Bonal en Europa League l'année prochaine avec Jean-Marc Ferry. Bonsoir.